La définition de la législation que quiconque se permet en dehors d'Allah est un tarout, par Cheikh Abou Mariam Chemri. Question. Que signifie le terme législation que quiconque se permet de faire en dehors d'Allah se permet en concurrence avec Allah? Réponse. Allah Ta'ala dit, puis nous t'avons mis sur la voie sharia de l'ordre, une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Sourate 45, verset 18. Allah a dit, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Sourate 42, verset 21. Linguistiquement parlant, le terme sharia désigne la voie où l'eau s'écoule. Le chemin que l'eau emprunte se nomme sharia. Légalement, la sharia est la voie générale que tous les musulmans doivent emprunter et pratiquer et qui leur est interdit de quitter. La base de la sharia, c'est la loi générale, soit une permission ou une interdiction, ou alors la sentence se rattachant à celui qui quitte le licite ou commet l'illicite. La loi générale désigne le jugement, qui n'est pas spécifique à une seule personne, mais qui englobe au contraire tous les musulmans qui tomberaient sous ce jugement. Exemple, l'interdiction des substances enivrantes. C'est un jugement général qui concerne tout musulman. Et toute personne qui s'oppose à ce jugement, et donc l'opposition est confirmée, mérite alors la sentence. Donc l'interdiction est un jugement général, et la sentence de celui qui boit du vin est générale et concerne tout le monde. Aussi pour les obligations, l'obligation de la prière par exemple. L'obligation de la prière concerne tous les musulmans. Si un musulman abandonne la prière, il méritera la punition de celui qui abandonne la prière. Quelles que soient les divergences au sujet de cette punition entre les gens de science. Mais ils ne divergent pas sur le fait qu'il y ait une punition, même s'ils divergent sur la nature de cette punition. Dès lors, nous allons expliquer ce qui annule ce fondement, c'est-à-dire la loi d'Allah. Ce fondement peut s'annuler de deux manières. 1. Celui qui attribue les jugements généraux ou l'obéissance générale à un autre qu'Allah et prend un autre qu'Allah comme source d'interdiction, de permission et de sentence. Celui-là s'est mis en concurrence avec Allah. Et une chose pareille est la plus immense, impiété et même pire que le shirk. La base du shirk est de s'opposer au commandement d'Allah. Et ceci est ce que nous voyons aujourd'hui lorsqu'on juge selon les lois humaines et non divines. Les lois humaines désignent entièrement à un autre qu'Allah le droit de juger. En effet, les interdictions et les sentences du tarout sont ceux dont ils tiennent compte et ils ne reviennent pas à la loi d'Allah. Ce type-là n'est pas excusé par l'ignorance, ni par la mauvaise interprétation, car l'islam n'est valable pour personne tant qu'il n'a pas désavoué le tarout. Or, celui qui est satisfait qu'un autre qu'Allah soit pris pour juge dans ce genre de choses, il n'a pas désavoué le tarout. Allah a dit aux gens du livre, « Rejoignez-nous autour d'une parole commune, que nous n'adorions qu'Allah et ne lui donnons aucun associé, et que nous ne nous prenions pas pour des seigneurs en dehors d'Allah. » S'ils se détournent, alors dites, témoignez que nous, nous sommes soumis. Celui qui se met en rivalité avec Allah dans le droit d'interdire et de permettre et de légiférer, c'est l'un des plus grands tarouts. Et c'est tout simplement mis à l'égal d'Allah dans la seigneurie. Quant à celui qui lui obéit dans cette interdiction ou permission ou législation, il l'a adoré en dehors d'Allah. 2. La deuxième manière. Celui qui gouverne par la loi d'Allah à la base, mais il a instauré une seule loi qui s'oppose à la loi d'Allah, comme par exemple en remplaçant la sentence de l'adultérin marié, qui est la lapidation, sans aucune divergence entre les savants. Si un gouverneur gouverne par la loi d'Allah à la base, dans toute chose, sauf pour la peine de l'adultérin, ou il instaure une autre sentence que celle d'Allah a prescrite, en la remplaçant par la prison par exemple, et fait de cette sentence la sentence générale pour quiconque commet l'adultère en étant marié. Celui-là s'est également attribué le droit de légiférer qui n'appartient qu'à Allah. S'il s'agit d'une loi qu'il est possible de ne pas connaître, alors il ne devient pas mécréant jusqu'à ce que la preuve lui soit établie. Et s'il continue après, il devient mécréant. Par contre, si c'est une loi qui n'est pas possible d'ignorer, mais qu'il remplace cette loi d'Allah, alors c'est un mécréant sans qu'on ne lui établisse de preuve. Ensuite vient une autre situation qui, elle, n'est pas considérée comme une législation. C'est le cas d'un juge qui ne juge pas selon la loi d'Allah, de telle manière que la loi d'Allah est celle qu'il applique de manière générale sans la modifier, ni schématiquement, ni en détail. Mais lorsqu'un jour, des gens portent plainte auprès de lui, il donne un verdict selon son désir afin d'obtenir un intérêt personnel ou pour un caprice, mais sans que son verdict ne soit général pour toute personne qui irait porter plainte chez lui. La loi générale est la loi valide selon lui. Mais lorsqu'il juge certains cas particuliers, il va à l'encontre de la loi. Pour ce cas-là, il n'y a pas de divergence chez les gens de la Sunna pour dire qu'il n'est pas mécréant, mais qu'il a commis de la mécréance mineure. Kufr duna kufr. La législation consiste donc à modifier totalement, de faire une loi générale qui concerne tout le monde. Par contre, celui qui juge par autre que la loi d'Allah sans légiférer, en prenant la loi d'Allah comme loi générale valide. Mais lorsqu'il juge un cas particulier, va à l'encontre de cette loi. Exemple, s'il juge Zayd ou Omar, il va juger à l'encontre de la loi d'Allah. Les adeptes des lois humaines ne considèrent pas qu'un jugement est une loi tant qu'elle ne concerne pas tout le monde, et pas uniquement quelques cas particuliers.